pas ici. Ouais, ouais. Kaba. Ok. Ok. Le pas ici. Internet, MSN, Facebook. Si te rencontres, webcam te montre ses fesses, bouge. En mode striptease, elle sait Farah aime pas les victimes. T'es un caïd, tu lui plairas à l'écoute. Poupa, tu neuf de easy. Le pas c'est que Farah est bonne, comme disent ses potes. Farah est bonne, elle a des copines, ses copines la trouvent très conne. Ce soir elle a rendez-vous avec un soi-disant dealer de banane, qui lui-même lui a dit qu'il avait une grosse banane. Ce soir c'est un 4+, ce soir c'est le premier samedi du mois. Y'aura du cul comme sur Canal+. Ses parents ne savent pas ce qu'elle fait, sinon c'est le bled. Elle écoute du Wallen après chaque mail qu'il appelle et là. C'est depuis qu'elle a souffert qu'elle fait la chienne. Depuis que son cœur s'est ouvert, se dit que les hommes n'en valent pas la peine. Farah cette fille qui du rêve, pas ça je crève. Puis qu'on lui a dit je t'aime, fais un gosse et qu'on la tège. Tu veux les bras d'un beau gosse. Choisis la cave ou les chiottes. La vie c'est triste hein, je pleure pas. Mais je compatis devant ton destin. C'est comme ça qu'on t'appelle. Ton cul tourne dans tous les hôtels. Ton numéro tout le monde l'a. Pleure pas. Y'a 15 geeks qui te lâchera de là. Le paissé, talon aiguille, mini jupe string, tatouage en pas du dos, 90 c'est piercing au nombril, capote code dans le sac à main le soir. 2 grammes de 16 dans la schneck pour entrer en boîte. Danse, danse comme une déesse, le regard perdu. Fonce des alcool dans les VN. Elle c'est Laura, t'as un beau gosse qui sache y faire. Plutôt grand fort, un gentleman qui lui paye un verre. Laura c'est collé serré. Classique quand le jour se lève, un after pour aller fêter la nuit. Elle finit souvent dans les hôtels les plus chics avec un mec à chiffres, un mec de la haute qui gère une usine. Elle connaît toutes les positions, termine chaque épas avec une trace ou un gros pilon. L'histoire de Laura c'est 13 piges violée sur un lit par un homme d'une cinquantaine, violent du moins ivre. Tu veux les bras d'un beau gosse. Choisis la cave ou les chiottes. La vie c'est triste hein, tu pleures pas. Mais je compatis devant ton destin. C'est comme ça qu'on t'appelle. Ton cul tourne dans tous les hôtels. Ton numéro tout le monde l'a. Pleure pas. Y'a 15 geeks qui te lâchera une larme. Demande-toi pourquoi elle fait la pute. Elle fait la pute négro. Elle donne son corps avant son cœur. Enlève sa jupe très tôt. Demande-toi pourquoi se raide. Les mecs sont sales. Une vision salée. Plus de pitié pour faire du mal. Parle pas beaucoup mais c'est agir. Et triste donc donne son corps de façon tragique. On les appelle chienne, salope, pute, pétasse. Nouvelle génération et voilà que ça tourne très mal. Tu veux les bras d'un beau gosse. Choisis la cave ou les chiottes. La vie c'est triste hein, tu pleures pas. Mais je compatis devant ton destin. C'est comme ça qu'on t'appelle. Ton cul tourne dans tous les hôtels. Ton numéro tout le monde l'a. Pleure pas, y'a 15 geeks qui te lâchera une larme.